Portrait d'assaut sur Fadjet. Découverte d'une nouvelle association, toute nouvelle. Elle est créée depuis le mois de juillet 2024. Elle s'appelle Recordvide. Et pour nous en parler, nous avons en studio Mathéo et Ben. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, salut. En quelques mots, déjà, l'objectif principal de cette association Recordvide. De une, faire découvrir des artistes. Je pense que c'est l'ADN pur de l'association. Mais amener d'une autre façon, on va dire, une manière plus ludique, plus créative, que de simplement promouvoir un artiste, c'est aussi derrière de le façonner, à vrai dire. Ben ? C'est aussi une autre façon de travailler plus libre, plus artistique, on va dire, que les studios de base. Quoi. Vous proposez donc un studio qui est basé où ? À Bayon. À Bayon, donc pas très loin de Nancy ? Non, ça va, c'est pas si loin que ça, en fait. Comment vous partagez les rôles ? Donc, il y a Mathéo et Ben. Alors, bah, du coup, moi, je suis le créateur de l'asso, mais je me charge également de gérer le studio à Bayon. Je compose aussi derrière pour les artistes. Et puis, bah, Ben, je te laisse te présenter. Moi, je suis multicasquette un peu. Donc, je suis un peu, on est un peu tic-tac, quoi. On est toujours ensemble avec Mathéo. Je l'épaule dans ses moindres faits et gestes. On va dire ça comme ça. Donc l'association est donc créée cette année. Depuis quand ça a commencé à mûrir et le déclic de créer cette asso, c'était quand ? Alors, c'était avec donc un collègue à moi, Baptiste, et c'était pendant les années lycée, donc il y a maintenant 5 ans. Donc arrivé en seconde, je le rencontre et on a directement pu parler, en fait, on s'est compris sur l'avenir de monter quelque chose en relation avec la musique, le studio d'enregistrement, etc. Donc ça, ça naît déjà d'il y a plus de 5 ans avec mon collègue Baptiste. Et aujourd'hui, on a pu enfin réaliser l'ouverture, malgré plusieurs tentatives, mais celle-ci, c'est la bonne. C'est compliqué de créer une association, puis enfin, je suppose de créer un studio non, aussi. Non, pas compliqué dans le sens-là, mais c'est surtout amener une idée fraîche, nouvelle, parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Alors concurrence, beaucoup de studios, nous, on n'est pas en concurrence. C'est juste que la demande est tellement grande qu'il faut satisfaire les personnes qu'on veut viser, et il faut les satisfaire d'une façon où il faut leur parler, concrètement, et c'est pour ça qu'on a cette ADN d'ouverture avec les artistes, de prendre le temps avec eux. C'est plus un studio de création, plus que d'enregistrement, on va dire. Ils viennent, ils s'améliorent, on s'entraide, et c'est le principal. Et aussi sur un secteur où il n'y a pas forcément beaucoup de studios de proposer, parce que voilà, on est à Bayon, plutôt rural quand même. Ça n'existe pas sur ce territoire-là déjà ? Non. Puis ce qui est bien, c'est qu'on est en dehors de la ville, mais en même temps, pas si loin. Tous les studios qui sont basés vraiment à Nancy, c'est en ville-ville. Là, en fait, c'est un peu la campagne, c'est un peu l'évasion, entre guillemets, que d'être en ville-ville où c'est vraiment... ça court, quoi. C'est ça. Là, on peut prendre le temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est paisible. Même pour juste créer, en fait, tu vois. Et pour la création de l'association, tu as dit que c'était pas forcément difficile, mais il faut être bien accompagné, j'imagine. Eh ben, écoutez, j'ai été épaulé surtout par mes parents. J'aimerais bien faire un remerciement à ma belle-mère et mon père qui m'ont aidé dans le projet. Sans ça, ça aurait pas été possible. J'aimerais faire un remerciement à un artiste qui s'appelle Dan, donc Jordan, qui a été l'un de nos premiers artistes à nous faire confiance et aujourd'hui qui nous suit énormément, avec qui on a pu faire un projet de 7 sons et c'était formidable. À Ben, à Baptiste, à Noah et à Mathilde. Voilà, c'est toutes ces personnes qui nous ont aidés, épaulés, et aujourd'hui on se sent confiant pour l'avenir et c'est ça le principal. La sauce est toute fraîche, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place ? En fait, on avait déjà commencé par organiser des événements sur Nancy, mais on a décidé de stopper parce que c'est énormément de boulot, d'énergie, etc. On a préféré se concentrer plus sur la partie studio, finalement. Actuellement, on a lancé un concept où des artistes viennent au studio et de manière très simple, on les enregistre. C'est plus une session live, on va dire. On leur met des décors, etc. On invite des instrumentistes et on crée une sorte de show. Avec, couplé avec ça, une interview, une sorte d'interview, comme ici chez Fadjet, mais à notre sauce, et après on partage ça, et ça s'appelle à cœur ouvert parce qu'on rentre directement dans l'intimité de l'artiste, que ça soit dans la prestation qu'il peut faire en termes artistiques, et aussi c'est sa façon de répondre à nos questions, c'est le plus principal, quoi. Donc un format qu'on va pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux un peu partout, lesquels particulièrement, comment on vous trouve ? Sur YouTube. Sur la chaîne Recordvide sur YouTube. Et puis c'est teasé aussi un peu sur Instagram, TikTok, enfin on est bien obligé aujourd'hui. Hein. Si on voudrait faire sans, on voudrait vraiment faire sans parce que ça ne colle pas forcément à nos idéaux, enfin personnellement. Mais on est obligé de passer par ce genre de plateforme et on est un peu nul quoi. Mais on va s'y faire. C'est grâce à ce projet aussi, tout le monde peut apprendre de tous ces outils en fait, qui sont inconnus pour l'instant. Et comment on vous contacte alors aujourd'hui pour en savoir plus, proposer de venir enregistrer chez vous? Instagram, ça va très bien, en DM. Rendez-vous dans mes DM. Voilà, bien sûr, on mettra le lien sur la page avec le podcast de cet entretien. Vous avez d'autres projets? Parce que là, tu disais que la partie concert, c'était pas forcément la priorité pour l'instant, mais est-ce que ça peut revenir? Ça pourrait revenir, mais encore une fois, dans une forme singulière. Ouais. Pas ramener un concept fait et refait. Déjà en place, ouais. Déjà usé jusqu'à la corne. Donc il faut nous laisser quelques années qu'on y réfléchisse. Et votre lien, tu disais que ça avait mûri à partir du lycée, la création de cette assoce. Est-ce que dans ta formation scolaire, la musique a aussi pris une place importante et... Ah oui, ouais. Depuis la maternelle à vrai dire. Ah oui, carrément. Ouais. J'ai fait le lycée Claude Donneau à Nancy, donc dans une section musicale. C'est sûr que j'ai été rattaché vite fait à ça, puis même au collège. Hein, moi, ce que j'adorais, c'était les cours de musique, à vrai dire. Les profs de musique sont toujours très ouverts, et puis je crois que j'ai repris un peu de cette attitude-là, quoi. C'est sûr que c'est pas des profs de mathématiques très sévères, etc. Donc c'est surtout ça. Cool. Et Ben? Ouais, moi c'est pareil. Bah la musique, ça fait partie de ma vie, en fait. Ça a toujours été. Je peux pas vivre un instant sans musique. Ce serait triste la vie sans musique, j'ai envie de dire. Quoi. C'est... Que ça soit pour réfléchir, ou on est triste, ou on est content, ou il y a toujours une musique qui nous parle en fait. Et le studio Recordvaille, il est plus spécialisé dans un type de musique aussi, ou c'est vraiment ouvert à tout le monde? Non, c'est ouvert à tout. Oui, il n'y a pas de limite. Que ce soit un mec qui vient faire du saxophone, comme un chanteur, comme un rappeur, comme n'importe quoi en fait. Bah, à terme, la musique, c'est universel de toute façon. C'est ça. À terme, ça serait bien d'enregistrer des groupes, ouais. Parce qu'il n'y a rien de mieux en fait pour découvrir du monde. Mais pour l'instant, il n'y a pas de limite artistique. Mmh. Tout le monde est bienvenu. Et le but, c'est jouer le jeu en fait, de Recordvaille. Il y a bien quelque chose qu'il faut savoir avant de venir, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de repartir avec quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé créer au studio. On peut arriver avec un texte, une musique. Il y aura toujours notre sauce là-dedans, de quelque façon, en fait. Donc, c'est ça qui est cool aussi avec Recordvaille. C'est aussi un concept, c'est une vision à l'avenir pour l'artiste. C'est un passage, quoi. Voilà, c'est vraiment cet aspect de rencontre aussi et d'échange que vous voulez partager dans cette assoce. Mais c'est ça. Bah oui, le partage universel de la musique, c'est un langage, j'ai envie de dire, universel. Il faut bien l'employer, il faut bien le peaufiner. Voilà. Bon, le plus simple, c'est de venir à votre rencontre. On vous contacte donc en DM sur Insta. C'est ça. Recordvaille. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite de l'aventure? Des disques d'or. Non, je sais pas. Que du bien. Moi, je vois que du bien pour l'avenir, en tout cas. Je vois pas de négatif. Parce que, c'est que de l'expérience aussi. C'est que de l'expérience. Ouais, que de l'expérience. Aujourd'hui, on est Recordvaille. Demain, on sera quelque chose d'autre. Ouais. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, merci à tous les deux, Mathéo et Ben, et à très bientôt. Bah, merci à vous. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.